Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures et on aura du rock progressif comme à l'habitude. Et cette semaine, bien, on ira du côté de la Norvège avec 35 Tapes. On a John Anderson, chanteur de Yes aussi, qui a sorti une nouveauté cette semaine. Alors, on aura deux extraits. Du côté de l'Italie aussi, la Batteria, c'est leur deuxième album qui vient de sortir. On reste du côté de l'Italie avec Gan Eden et un petit retour en 2009. Ensuite, il y aura Aragon d'Australie, ESP d'Angleterre. On a une nouveauté de la France avec Free Human Zoo. Le bon vieux Pendragon qui nous revient avec une pièce de 2011. Et on va conclure avec un groupe d'Angleterre du nom de Death Vegas. Alors, ceux qui connaissent l'émission Rock de Neurones savent que l'émission est composée de quatre blocs d'une demi-heure chacun et que le premier bloc est habituellement consacré à l'album de la semaine. Et aujourd'hui, on a un album de la Norvège. C'est le groupe 35 Tapes. C'est un nouveau groupe. Ils ont, sont trois musiciens. Et l'album est constitué de quatre pièces pour un total d'à peu près 55 minutes. Et aujourd'hui, moi, je vous propose deux extraits, Circles et Mushrooms. Ça va totaliser à peu près 26 minutes, donc à peu près la moitié de l'album. Alors, on y va tout de suite avec 35 Tapes de Norvège. Circles we run.

fairly set free. White seats on the carpet and Rob's machine. Then music turned me on. Still, they turned me on. Five heads, eager. once when the kites were flying high. The fox, the redbreast and the coastliners. The mighty watcher was no longer hiding in the sky. We'll be right back. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute le deuxième bloc avec un artiste archi connu, John Anderson. C'est le chanteur du groupe Yes. Ça fait une cinquantaine d'années et plus qu'il roule sa bosse. Et après, il se promène dans sa carrière solo et la carrière de Yes. Je sais que l'année dernière, il était en tournée avec une des deux versions de la formule Yes, là. Mais le fait d'armes de John Anderson cette semaine, c'est qu'il a sorti son 16e album studio. Ça, c'est après 9 ans d'absence. J'ai fait un petit décompte là, du nombre d'artistes qui participent à cet album-là. J'en compte au moins 55. Beaucoup de grands noms. Il y a Ian Anderson de Joe Turtle qui nous fait une petite prestation à la flûte. Il y a Chris Squire, le défunt bassiste de Yes. Il y a aussi Trevor Rabin aussi. Tout le monde, une cinquantaine d'artistes. Et puis, c'est un album, en général, là, je vous dirais, là, qui est très bien accueilli par la critique. Alors, je vous propose deux pièces. C'est WDMCF et ça sera suivi avec la pièce-titre, 1000 Hands. Et ça sera suivi d'un groupe italien qui s'appelle La Batteria. La Batteria qui vient de faire sortir son deuxième album studio. Il s'intitule tout simplement La Batteria 2. Alors, je vous propose la pièce Prologo. Et après, pour conclure le bloc, c'est-à-dire on aura Gun Eden. C'est un groupe italien, encore une fois, qui, depuis 2004, a 5 albums studio à son actif. Celui que je vous propose, il est paru en 2009. Ça se trouve être le troisième de la série de 5. Et l'album s'intitule Ritratto di Ballerina. Et la pièce, c'est la pièce titre. Alors, on débute avec John Anderson de Yes. Music. this imagination with your personality. No one else but you can fly with me. fondo all'anima, ma tu non cedi mai. All'ombra del ritratto stai, ma le luci intorno voli. Ma ancora tu mio sei, arrenderti non puoi. La notte vai di strada ancora ce n'è. Qualcuno troverai, oh, oh, oh. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au troisième bloc de l'émission. Et pour débuter, on ira faire un petit tour du côté de l'Australie avec le groupe Aragon. C'est un groupe qui était actif surtout fin des années 80 et les années 90 avec 5 albums studio jusqu'en 1997, en fait. Et après une éclipse de 7 ans, ils sont revenus avec un sixième album en 2004. L'album s'intitule « The Angels Tear » et je vous propose une pièce qui s'appelle « In the Name of God ». Ensuite, je vais aller du côté de l'Angleterre avec la formation ESP. ESP, ça tourne surtout autour d'un musicien du nom de Tony Lowe. C'est un musicien qui a été collaboré en fait avec King Crimson et avec Cross et Fripp. Il a aussi été membre de la formation Bram Stoker, entre autres. Et pour les deux albums studio qu'ils ont enregistrés, ils se sont fait accompagner par des musiciens assez chevronnés. Et puis je mentionne, entre autres, là, M. Jackson, le saxophoniste de Van der Graaf Generator. Alors, ces deux albums-là sont parus dans les années 2000. Et c'est assez récent. Et en 2019, bien, ils ont sorti un EP, un mini-album qui s'appelle 3. Et c'est constitué de 5-6 pièces. C'est assez court et je vous propose deux extraits de cet album-là. Ça va être « Before the Fall » et « Coming Back ». Alors, on débute ça avec « Aragon ». Out in all its innocence, and

For a deeper call, down through time. destroyed the news. Wrong kind of weather. Time was when we could sing forever. The height of you. Didn't join the letters. Are you coming back to empty without you? My heart, you are free. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission et je voudrais, avant de continuer la partie musicale, informer les auditeurs que vous pouvez retracer toute l'information qui concerne les diffusions ou les pièces qui ont été présentées durant cette émission. Vous n'avez qu'à consulter la page Facebook de Rock de Neurones, alors vous allez y trouver toute l'information. Alors, on débute le quatrième bloc avec une formation française du nom de Free Human Zoo. Ça, c'est un groupe qui ont deux albums studio. Le plus récent, ben, c'est un album double qui s'intitule « No Wind Tonight » et on va entendre la pièce « The Yar ». Ça sera suivi de Pendragon, ça c'est l'emblème du néo-prog là, qui ont pris le relais dans les années 80. Ils ont 10 albums studio jusqu'en 2014. Là, le dernier ben, s'intitulait « Men Who Climb Mountains », mais juste avant lui, il y a eu l'album « Passion » et je vous propose la pièce « Empathy ». Et on va conclure avec un groupe de Britanniques du nom de « Death Vegas ». Alors « Death in Vegas », « La mort à Vegas ». Et c'est un groupe qui était actif là, durant une décennie, là, entre 1997 et 2016. Et l'album que je vous propose, c'est un album double lui aussi. C'est de Contino Sessions et la pièce, ça va être Flying. Alors, on débute ça avec Free a Human Zoo. Thank you.

just wanna see some empathy. Cause most of us are too afraid to come out in the sunlight. We get shot down in flames for what we believe is right. And this makes me shit scared and scarred. Like the fire in the sky, yes, like the fire in your heart. And I don't need to be ripping myself apart. For you, for you. Time has come to understand the depths of the soul, and it's at your most broken you will understand. Like we do, like we do. For you, for you, for you. Thank you. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la formation britannique Death in Vegas. Et contrairement à ce que j'ai mentionné en début de bloc, la carrière de ce groupe-là s'est échelonnée sur deux décennies et non pas une. Alors, la pièce qu'on a entendue, c'est Flying, tirée de l'album double de Contino Sessions. Et c'est paru en 1999. Et auparavant, on avait Pendragon et la pièce Empathy, tirée de Passion. Ça, ça a paru en 2011. Et en début de bloc, nous avions la nouveauté française Free Human Zoo et la pièce de Yar, tirée de No Wind Tonight. Alors ça, ça met fin à la programmation musicale de cette 221e émission de Rock de Neurone. Et avant de terminer, j'aimerais vous préciser que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h. Ça, c'est toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et si vous voulez écouter en différé sur Internet, eh bien, je vous invite à consulter le site SoundCloud. Et dans la barre de recherche, vous n'avez qu'à taper Rock de Neurone et ça va vous amener à l'émission courante de la semaine. Vous pouvez aussi écouter des émissions archivées, il y en a plus de 150, et ça c'est sur archive.org, encore une fois c'est le site web archive.org, mais vous pouvez y accéder en consultant la page Facebook de l'émission Rock de Neurone et vous allez y trouver l'hyperlien qui vous amènera à ce site-là. De plus, sur la page Facebook de l'émission Rock de Neurone, il y a des... Vous allez avoir la liste des albums préférés de 2019. Il y en a 6 actuellement. Et aussi, il y a le palmarès de 2018 avec les 15 meilleurs albums. On a aussi un palmarès des 30 meilleurs albums de rock progressif de cette année. Ça, c'est un site allemand. Alors, le lien sur la page Facebook existe. Aussi, j'ai préparé des best-of, c'est-à-dire les meilleures compilations des albums de rock progressif, notamment du Québec et de l'Italie. Alors, c'est Jimmy Farley qui espère que vous avez aimé l'émission de cette semaine et qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle diffusion de Rock de Neurones.